Alors mon colo yango ezalaka na 13h13 juste na gare du Nord wana na Waterloo président Mbongo aza kozela arrestation yeah, arrestation yeah. Arrestation immédiate et pas d'intervention soudain bakanga kinga na likambo ya mbala kata pokile na décide boloko na boloko yeah. Ah mama Makambo makambo mako banga yo eh eh papa César c'est qui est à César makambo senye etikali bilembo mama etikali bilembo na mitema oh alors de kusenga courage baningo bazana kati ya santé la plénimérogis na kati ya train makala Congo démocratique centrale na Congo. Arrestation, yeah, yeah, arrestation, yeah, yeah. Arrestation immédiate, pas d'intervention. Soudain, bakanga kingana likambo ya mbala kata procure la décide boloko. Na boloko, yeah, yeah, yeah. Ah, mama. Toto sami beko ya leta, jina kia kubanga kama kambo, ima kambo mako banga yo, eh, eh. Cornélie Malongi, Père Achille, Bolo Poizali Banditaire.